moko oyo ezali mboka mboka na boko sedani zongiselange ya nosherie solo na kovide lamour ezwinga na nzoto lokola koloko Est-ce que vous avez que Nanette et Pierrotine et la Olga, vous avez fait bien? Hein? Mais, pour vous, dans la Katia, boutique Laetitia, boutique Divine, alors je mère Agnès. Je vous présente les King Boys, les sœurs Macobo. Richard Philemon Lotula, Tokuta na nganda ya Marie Louise na Lingwala. Awesome.